بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Continue inshallah سورة يوسف الفوائد من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. On reprend au verset 50 jusqu'à 57 où Allah tabaraka wa ta'ala a dit selon le sens des versets. Puis le roi dit, amenez-le-moi, en parlant de Yusuf, alayhi salatu wassalam. Puis lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Yusuf dit, retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leur ruse. Alors le roi leur dit, qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Yusuf? Alors elles dirent, Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. Et la femme de l'Aziz a dit, ce qui a voulu le séduire la première fois, maintenant la vérité s'est manifestée, c'est moi qui ai voulu le séduire et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence et qu'en vérité Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Je ne m'innocente cependant pas car Allah est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur par miséricorde ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Et le roi dit, amenez-le-moi. Je me le réserve pour moi-même. Et lorsqu'il lui parlait, il dit, tu es dès aujourd'hui près de nous en une position d'autorité et de confiance. Puis Youssef, alayhi salatu wassalam, lui dit, Youssef, alayhi salatu wassalam, dit, assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Youssef dans ce territoire, et il s'y installait là où il le voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons, et ne faisons pas perdre aux hommes le bien, le mérite, et le mérite, aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Donc on avait vu que cette femme, cette première qui a essayé de le séduire, ici c'est, a bien mentionné qu'elle n'a pas trahi Yusuf alayhi salatu wassalam, elle a bien mentionné que c'est elle qui a voulu séduire Yusuf alayhi salatu wassalam. Mais il y a une chose dont elle s'innocente, c'est quoi? Al-nafs. La nafs. Pourquoi? Parce que la nafs pousse au mal. La nafs, elle veut faire du mal. Et on avait bien expliqué que la nafs se divise en deux. Il y a la partie de la nafs que tu as réussi à éduquer. Et c'est ce qui te permet de faire tes prières à l'heure, de faire l'ibadat. Hein, tu t'es habitué à lire le Coran, tu t'es habitué à aller à la mosquée, tu t'es habitué à écouter la science. Et il y a la partie de la nefs qui te pousse à commettre les péchés. Ou celle-là, tu ne l'as pas encore éduquée. Il va falloir bien l'éduquer. Tayyib. Illa ma rahima rabbi. Sauf celui à qui Allah Azzawajal a fait miséricorde, c'est-à-dire n'est sauvegardé de sa nefs et des méfaits de sa nefs que celui à qui Allah Tabaraka wa Ta'ala a été miséricordieux avec lui, c'est-à-dire qu'il lui a permis, il lui a donné la force de ne pas tomber dans les passions que sa nefs elle veut suivre. وهذه المعنى قول الله جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر إذا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول لا يمكن اجتناب المعاصي لا يمكن الطاعة طاعة الله عز وجل والعبادات إلا بحول الله عز وجل لا حول ولا قوة لا يمكن اجتناب المعاصي إلا بقوة الله عز وجل وكل هذا إلا بالله c'est ça le sens de la hawla wa la quwata illa billah comme l'a rapporté Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma wa kadhalik shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah la hawla Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Sans cette force-là, tu ne pourrais pas accomplir ce qu'Allah t'a ordonné et être sur l'obéissance d'Allah. La hawla wa la quwwata, cette puissance, sans cette puissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tu ne pourrais pas t'éloigner des péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Illa billah. Donc, n'est sauvegardé de sa nefs, illa ma rahima rabbi, hein, comme elle l'a mentionné elle-même, hein, seul celui à qui mon Seigneur a fait miséricorde. يعني فذلك ليس من النفس بل من فضل الله جل وعلا ورحمته بعبده. Hein? Donc le fait de s'éloigner du haram, ce n'est pas ta nefs. Si tu as pu le faire, ce n'est que par la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hein? Ce n'est que par la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. وهذه الرحمة ومن فضل الله جل وعلا. Et c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. إن ربي غفور Rahim. Et certes, il est celui qui pardonne les péchés, qui les efface et qui accepte le repentir de son serviteur. Et alors donc il nous sentait Yusuf alayhi salatu wassalam. Wa qala Yusuf alayhi salatu wassalam, ij'alni ala khazaini al-ard. Compte-moi parmi les... Hein, quand le roi il a vu qu'il était vraiment innocenté à 100%, là il n'y avait plus de doute. Alhamdulillah, celle même qui disait c'est lui, cette fois-ci elle a dit non c'est moi et c'est pas lui. Donc là il n'y avait plus de doute sur Yusuf alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il a su ça le roi, il a dit je le garde pour moi tout seul, c'est-à-dire il travaillera que pour moi. Il a vu les qualités de Yusuf alayhi salatu wassalam. Et Yusuf lui a dit directement ويوسف قال يعني للمصلحة العامة. Hein, il a demandé ça pour le plus grand bien, pour le maslaha, pour le maslaha, c'est-à-dire pour le bien le plus grand, pour le bien de tous. Lui-même sachant qu'il allait rentrer travailler pour un roi, et ce roi ne juge pas le kitab et la sunna, juge pas que le Coran et la sunna, juge pas bi shari'atillahi azza wa jal. Pourquoi? Parce qu'il est en Égypte ici. Et le roi ici n'est pas musulman. Hein, il juge avec un. C'est un roi qui ne juge pas avec le livre d'Allah et la sunna du prophète. La sunna du prophète de son époque, bien sûr. Puisqu'à ce moment-là, le prophète Mohammed n'est pas encore arrivé. Mais Yusuf wassalam, va quand même travailler pour lui. L'ilmaslaha. C'est qu'au moins dans une partie de ce royaume, eh ben, il y aura sharia dans une partie de ce royaume. Hein? Donc il a accepté Bishari'a. Et tout de suite il lui a demandé quoi? Yusuf alayhi salatu wassalam, il connaît les qualités qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a données. C'est quoi? C'est tout ce qui est de le rendement de la terre, de bien partager les parts pour les récoltes, etc., etc. Afin que le pays ne manque de rien. Tout ce qui est l'économie du pays en ce qui concerne les terres et la nourriture. طيب وكل هذا من فضل الله جل وعلا يقول الله عز وجل نصيب برحمتنا من نشاء. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons. Donc là Yusuf alayhi salatu wassalam, quand Allah tabaraka wa ta'ala il mentionne dans le Coran selon le sens de verset ba'da al-usri yusra, après la difficulté vient la facilité, après la difficulté vient la facilité. Et plus l'épreuve est dure, plus c'est la fin de l'épreuve. Mais il faut patienter. As-sabr. Ici, Yusuf alayhi salatu wassalam arriva vers la fin de ses épreuves. Hein? Il a été éprouvé une fois par ses frères qui l'ont jeté dans le puits. Ensuite, il a été éprouvé puisqu'il a été rattrapé par des marchands qui l'ont vendu alors qu'il était jeune encore. Hein? Il était enfant. Ensuite, il a été éprouvé par la femme du vizir qui a voulu le séduire. Ensuite, il a été éprouvé une deuxième fois par ça, par plusieurs femmes qui ont voulu le séduire. Hein, ça fait déjà quatre. Et ce n'est pas des petites épreuves. On a voulu le tuer, se débarrasser de lui. On l'a vendu. On a voulu le séduire avec Zina deux fois. Et la cinquième épreuve, c'est qu'on l'a jeté en prison. Haps. Fisijn. Hein, en prison. On dit, quand on dit haps, yani habsan nafs. Habsan nafs, c'est emprisonner la nafs, hein, la retenir. Hein, comme que quelqu'un il est en prison, il ne peut pas sortir, il est retenu. Et bien là, habas al-nafs, hein, tu retiens ta nafs, C'est ça, tu retiens ta nefs, tu l'empêches de dépasser certaines limites. طيب. والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Ici, Allah Tabaraka Ta'ala a mentionné, et la récompense de l'au-delà est bien meilleure que la récompense de la dunya. لكن بشرط للذين آمنوا ويتقون الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى. تقوى الله جل وعلا. Donc pour celui qui réunit ces deux conditions, الإيمان والتقوى. لقول الله عز وجل للذين آمنوا وكانوا يتقون. Donc ceux qui ont la foi, al-imanu billah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, alayhim salatu wassalam ajma'in, wa l'yum al-akhir, wa al-qadar fi khayrihi wa sharrihi. Al-arkanu sattah min al-iman, al-ladhina amanu, wa kanu yattaqoon, wa al-taqwa, al-iman wa al-taqwa. Si les deux Allah tabaraka wa ta'ala a mis une différence, c'est qu'il y a une différence entre l'iman et le taqwa. L'iman, bi usul sitta min al-iman, min arkan sitta min al-iman, billahi azza wa jal, wa malaikatihi ila akhirihi. Ça va permettre à la personne d'avoir une aqida. L'aqida tu sahiha. Le fait de croire en Allah, ce qu'Allah t'a demandé de croire. Le fait de croire aux anges, aux prophètes, tous les prophètes et messagers, alayhi salatu wa salam. De croire en tous les livres révélés, tout ce qui est la vie après la mort, de croire en tout le destin, dans le bien comme dans le mal, ça c'est l'iman, ça c'est l'aqida. L'aqida tu sahiha. Min kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam bi fam salaf al-umma. Tayyib. Thaniyan, at-taqwa. La crainte d'Allah. Ça ce qui va te permettre d'accomplir al-shari'a. D'accomplir ce qu'Allah azza wa jalla t'a demandé. D'accomplir tes prières, d'accomplir ton jeûne, ta zakat, ton hajj, ou l'umra, ou l'ibadat. Al-taqwa. Wa min al-taqwa, ijtinab al-ma'asi. Al-taqwa va aussi te permettre de délaisser al-haram, ce qui est interdit. Donc tu as la partie qui est fil qalb, yani al-iman, al-aqida, wa al-taqwa, al-taqwa kadhalik ma qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-taqwa ha huna, al-taqwa ha huna, al-taqwa ha huna fil hadith. Trois fois. Le prophète a dit al-taqwa elle est là dans le cœur, il a dit trois fois. Ça ne veut pas dire qu'elle est que dans le cœur. Limadha? Lianna Iblis est-ce qu'il ne sait pas qu'il a un seigneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Ya'lam aw la? Il le sait ou pas? Il le sait. Il le sait très bien. Est-ce qu'il ne sait pas les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il ne sait pas qu'Allah est élevé au-dessus de son trône? Est-ce qu'il ne sait pas qu'Allah a créé khalaq al-jannah wa khalaq al-nar? Qu'il a créé le paradis et l'enfer? Il le sait. Est-ce que ça fait de lui un mu'min? Al-jawab? La. Wastakbara wa kana min al-kafirin. Wastakbara wa kana min al-kafirin. Donc il a cette chose-là. Fil qalb, mais la ya'malu bih. Il n'applique pas ces choses-là. Wa fil kufr, wa li'adu billah. Wa kafir. Wa stakbara, wa kana min al kafiri. Il s'est enorgueilli et il fut parmi les mécréants. Ça veut dire qu'il a mécru. Il a mécru. Il est sorti de l'islam. Il est sorti de la religion dans laquelle il était. Donc cela ne suffit pas de dire oui, mais la foi c'est dans le cœur, comme certains disent. Certains ils font le ma'asi, ils font des péchés, après ils disent al iman fi al qalbi ya akhi. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa idha salaha salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu. Le prophète il a parlé d'un morceau de chair qui se trouve dans le corps, que s'il est bien, tout le reste du corps il est bien. S'il est mauvais, tout le reste du corps il est mauvais. Wa hiya al qalb. Et il a dit, c'est quoi ce morceau de chair là? C'est le cœur. C'est le cœur. Si l'aqida, elle est fasida, batila, kayfa l'amal? كيف الكلام si la aqida n'est pas bonne, si la source, hein, le cœur il n'est pas bon, la croyance qui est dans ce cœur elle n'est pas bonne, comment vont être les actions? Les actions elles vont être mauvaises. C'est comme un arbre qui est bien enraciné, qui est bien enraciné dans le sol, hein, et qui est fait comme il faut, où tout se passe bien, il donnera de bons fruits. Un arbre mauvais, mal enraciné, avec de mauvaises racines, et qui n'est pas bon, il donnera des fruits pourris, des fruits qui ne sont pas bons. قال النبي قال الله جل وعلا الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. كما الله عز وجل a donné cette image de cet arbre là avec الكلمة الطيبة هي قول لا إله إلا الله وكلمة الكلمة الخبيثة هذا الشرك بالله عز وجل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير القرآن. طيب on continue, Inch'Allah, avec les versets 58 jusqu'au verset 68. Et le frère de Youssouf, les frères de Youssouf, alayhi salatu wassalam, vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Cette fois-ci, il reçoit la visite de ses frères, qu'il n'a pas revu depuis qu'ils se sont débarrassés de lui. Et quand il leur eut fourni leur provision, il dit « Amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes ? Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provision pour vous, chez moi, et vous ne m'approcherez plus. » Ils dirent « Nous essayerons de persuader son père. Certes, nous le ferons. » Puis il dit à ses serviteurs « Remettez leurs marchandises dans leurs sacs. » Là, il leur dit secrètement. Ils sont venus avec des marchandises pour faire du commerce, pour pouvoir ramener eux aussi de la marchandise à leur famille. Là, Youssouf alayhi salam, il dit, remettez leurs marchandises dans leur sac. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille, et peut-être qu'ils reviendront. Et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent, ô notre père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains, envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. Et Yaqub alayhi salatu wassalam a répondu, vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère, en parlant de Youssouf alayhi salatu wassalam, mais Allah est le meilleur gardien, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent alors, ô notre père, que désirons-nous de plus? Voici que nos marchandises nous ont été rendues, et ainsi nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous nous ajouterons la charge d'un chameau, et c'est une charge facile. Puis il dit, Yaqub alayhi salatu wassalam, jamais je ne l'enverrai avec vous jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah, que vous me le ramènerez, à moins que vous ne soyez cerné. Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit, Allah est garant de ce que nous disons. Puis il dit, ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par porte séparée. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre le dessein d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah. En lui, je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance en lui, je place ma confiance, et que ceux qui placent en lui leur confiance, la placent en lui. Étant entrés comme leur père leur avait ordonné, cela ne leur servit à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était du reste qu'une précaution que Yaqub alayhi salatu wassalam avait jugé de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avons enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. Taïb. Donc les frères de Youssouf, alayhi salatu wassalam. Il faut savoir que Yaqub, alayhi salatu wassalam, et les frères de Youssouf, à ce moment-là, ils vivent en Palestine, et que ils allaient jusqu'au pays d'Égypte pour pouvoir aller chercher le grain. Qaddar Allah Jalla wa ala Youssouf. Regarde le destin qu'Allah Azza wa Jalla a choisi pour Youssouf. Youssouf, il n'est pas tombé dans une autre catégorie de service par rapport dans le royaume auquel il travaille. Allah Azzawajal lui a décrété qu'il travaillerait dans la partie du royaume là où les frères de Youssouf viendront, c'est-à-dire se ravitailler en grains. Alors qu'ils ont été séparés pendant des années, Allah tabaraka wa ta'ala bi'ilmihi wa qudaratihi subhanahu wa ta'ala, par sa science et sa puissance, a fait en sorte que Youssouf alayhi salatu wasalam, après toutes ces épreuves, se retrouverait où? Là où les frères de Youssouf viendront, c'est-à-dire la partie qui s'occupe des grains et qui s'occupe de la nourriture, de tout ce qui est l'économie, comme Youssouf alayhi salatu wasalam, a été légué à cette partie-là. Donc, il les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. Si aurait été n'importe qui, peut-être qu'il les aurait insultés ou qu'il les aurait frappés ou qu'il n'aurait pas gardé son sang-froid face à eux. Mais Youssouf, alayhi salatu wasalam, il reçoit la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala et il sait lorsqu'il faut parler et où, là où il faut se taire. Hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man yu'minu billahi wa liyawmil akhir, yaqulu khayran aw liyasmut. Celui qui dit du bien, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Hatta fi zamani Youssouf, alayhi salatu wasalam. Youssouf, alayhi salam, là, il voit qu'il ne faut rien dire. Il aurait pu dire, alors, maintenant c'est moi, Youssouf. Vous avez voulu me tuer, ensuite vous avez voulu me débarrasser de moi, j'ai souffert dans ça, j'ai subi ça, j'ai subi ça, j'ai subi ça, j'ai subi ça. Et maintenant, j'ai le dessus sur vous. Là, wa nabiyullahi jalla wa ala, c'est un prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qui signifie qu'il a des qualités que les autres n'ont pas. Allah, tabaraka wa ta'ala, les prophètes, les a choisis. Il a vu que leurs cœurs, c'était les meilleurs cœurs de toute l'humanité. Et il les a choisis, parce qu'ils ont des qualités que les autres n'ont pas. Allah tabaraka wa ta'ala crée certains d'entre nous avec des qualités qui sont innées. Certains d'entre nous sont patients, de nature. Certains d'entre nous sont calmes, de nature. Certains d'entre nous, ils sont organisés, de nature. Hein? Certains ont ces qualités-là, mais il a fallu qu'ils travaillent pour avoir ces qualités-là. Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi lui a dit, toi, tu ne te précipites pas et tu ne t'énerves pas. Je ne me souviens plus des deux qualités précises. Une, c'est sûr, il y en a une, c'est qu'il ne se précipite pas. Il lui a dit, je suis comme ça ou c'est Allah qui m'a créé comme ça? Il lui a dit, c'est Allah qui t'a créé comme ça. Donc s'il lui a dit ça, ça prouve bien qu'il y a deux qualités. Il y a celle qu'il va falloir acquérir et celle qui est innée. Qu'Allah Azza wa Jalla, il t'a créé avec cette qualité. Mais Youssouf alayhi salatu wasalam, wa nabi Allah jalla wa ala, il a cette qualité de ne pas se précipiter et de ne pas se venger. Bien au contraire, les prophètes ont toujours eu rahma, la miséricorde envers les gens en qui ils appellent au tawhid et de revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que la da'wa est basée sur la rahma avant toute chose. Tayyib. Et ici, Youssouf, il sait qu'il y a son frère, le plus petit, puisque Youssouf c'est l'avant-dernier, Benyamin. Hein? En français, ce qu'on appellerait Benjamin. Benyamin, c'est le petit frère de Youssouf. Celui-ci ne lui a jamais voulu du mal, bien au contraire. Hein? Il était souvent avec lui. Or ici, Youssouf, il a un plan qui est quoi? De revoir son frère, son petit frère. Alors il dit, si vous voulez le ravitaillement pour vos grains, ramenez-moi le dernier des frères. Ramenez-moi le dernier des frères. Ce qui prouve bien qu'il n'était pas présent à cette première rencontre. Il y avait les autres frères, mais il n'y avait pas Benyamin, le petit frère de Youssouf. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est qu'il lui dit, allez me le chercher, ramenez-le moi, sinon je ne vous donne plus rien. Alors qu'il précise bien avant, vous voyez que je suis juste dans le partage des grains, dans ce que je vous donne. Donc il gagne leur confiance. Il faut savoir, bien entendu, qu'ils ne le reconnaissent toujours pas. Ils ne savent pas que c'est lui. Mais les frères de Youssouf, alayhi salat wa salam, ils mentionnent bien que pour ça, il nous faut l'autorisation de Yaqub, c'est-à-dire de leur père. Ils auraient pu le faire encore une deuxième fois le coup. Eh bien, on va se débrouiller, mais on va le ramener. Mais là, ils disent bien, il faut quoi? Il faut l'autorisation de son père, Yaqub. Sachant, il savait très bien que Yaqub n'allait pas laisser partir Benyamin, comme il a laissé partir Youssouf. Hein? Donc, il savait très bien que là, il allait falloir négocier. parce qu'ils savaient très bien que Yaqub, leur père, il ne les laisserait pas partir avec Benyamin. Après avoir fait ce qu'ils ont fait avec Youssouf, hein, il sait très bien, ils n'auraient pas laissé Benyamin partir. Donc ils ont dit, on va essayer. Donc ils ont dit, on va essayer de le convaincre. Et ils ont dit, nous le ferons. Puis Youssouf, alayhi salatu wassalam, qala li fityanihi, ceux qui travaillent pour lui, il leur a dit, remettez la marchandise de ceux-là dans la marchandise qui sont venus avec laquelle pour pouvoir négocier le grain, remettez-la dans leur panier. Donc les frères de Youssouf, alayhi salatu wassalam, sont repartis voir Yaqub et ils lui ont parlé de cette condition, qu'on ne sera plus, on n'aura plus le grain si on ne revient pas avec le plus petit des frères qui est Benyamin. Et bien sûr, lorsqu'ils ont demandé, ils ont bien vu que ça allait être difficile. Sachant qu'ils ont fait la première fois avec Yaqub, ils ont laissé partir Youssouf, alayhi salatu wassalam, et ils se sont débarrassés de lui. Tayyib. ثم قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثيقا من الله. Il a dit, je ne le laisserai pas partir jusqu'à ce que vous faites un pacte. C'est-à-dire avec le nom d'Allah, dans le sens où jusqu'à ce que vous juriez par Allah, tabaraka wa ta'ala, que vous me le ramènerez. C'est bien la preuve que l'on ne jure que par Allah, azza wa jal. Que l'on ne jure que par Allah, tabaraka wa ta'ala. Quant à celui qui jure par un autre qu'Allah, celui-ci, هذا شرك بالله عز وجل. لا تقول أقسم بالكعبة أو أقسم بالنبي أو أقسم بالجين أو أقسم برأس أمي أو أقسم برأس أبي أو أقسم بولد بأولادي أو بفلان وفلان أو بكذا وكذا. لا. أقسم بالله عز وجل. والله تالله بالله بالله عز وجل وحده لا شريك له. Celui qui jure ne jure que par Allah. أو بأسماء الله عز وجل أو بصفات الله سبحانه وتعالى مثلا أقسم برب هذه الكعبة يعني الله تبارك وتعالى أو أقسم بالرحمن يعني الله جل وعلا لكن بغير الله عز وجل هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى لكن الله تبارك وتعالى هو يقسم بمخلوقاته خص على الله جل وعلا. Par contre, Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à jurer par sa création. Wal asr, mathalan. Ici, Allah azza wa jal jure par le temps. Wal asr. La uqsimu bi yawm al-qiyama. La uqsimu bi yawm al-qiyama. Hada la, la, laysa lan-nafiyya. La lit-tawkid. La uqsimu bi yawm al-qiyama. Allah jure par le jour de la résurrection. Allah jure par le temps et... Allah jure par le figuier et l'olivier. Bil makhlouqat. Mais ça, c'est seulement Allah tabaraka wa ta'ala. Maintenant, on ne jure que par Allah, ou par ses noms, ou par ses attributs. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, yarhamukallah. Par celui qui détient mon âme dans sa main. Sifatullah azza wa jal. Hadith sifa. Il jure par un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن يقول أقسم بالقرآن في تفصيل. Celui qui dit je jure par le Coran, sur le Coran. Si il est convaincu que c'est le Coran ou كلام الله عز وجل وليس بمخلوق ولا يقسم بالمصحف. بالمصحف يجوز لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفات الله عز وجل. لكن mais si هو يعتقد أن القرآن مخلوق ويقسم بالمصحف هذا شرك بالله عز وجل ومن قال أن القرآن مخلوق كفر كفر أكبر. Mais maintenant s'il jure par le Coran mais en étant convaincu que le Coran c'est une créature, c'est pas la parole d'Allah, il jure par le مصحف en lui-même, هذا شرك بالله. Là il associe Allah عز وجل parce qu'il a juré par une création, par un livre. Maintenant, s'il jure par la parole d'Allah, en étant convaincu que c'est la parole d'Allah, le Coran, Là, il n'y a pas de mal. ثم يعقوب عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد في باب التوكل. Qu'est-ce qu'il leur dit avant? لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. N'entrez pas, quand vous allez arriver là-bas, n'entrez pas tous par la même porte. Entrez tous par une porte différente. Pourquoi est-ce qu'il leur demande ça? C'est quoi la hikma de ça? Elle est où la sagesse de Yaqub alayhi salam de demander à ses fils de ne pas tous rentrer par une même porte? Cette sourate, tout le monde l'a lu pendant Ramadan, Inch'Allah. Et ce verset-là, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce qu'il leur dit ne rentrez pas tous par la même porte? Pourquoi? Par rapport par exemple, au mauvais œil. L'il'in. L'il'in. Il a 12 enfants. Ce qui signifie que quand ils vont passer et rentrer en Égypte, ils seront 11. 11 à rentrer. Hein? Wa Yaqub alayhi salatu wassalam ne veut pas que tous les enfants rentrent par une même porte de manière à ce que tous les gens disent regarde, 11 frères. Ça veut dire un homme, il a eu 11 fils. Sachant qu'à l'époque, le fait d'avoir un fils, c'est. Hein? C'est le... Pour eux, c'était ça y est. Hein? Surtout qu'on sait que Ashab Quraysh, Wallah al-Musta'an, ils enterraient leur fille vivante. Wal'iyadhu billah. Ils tuaient leur fille vivante. Pour eux, le fait d'avoir une fille, c'était un déshonneur. Hein? Donc, il ne faut pas croire que l'islam il est venu rabaisser la femme. Bien au contraire, il est venu l'élever. Et le fait d'avoir des droits qu'à l'époque, elle n'avait même pas. Subhanallah. Certains, min Ashab al-Quraysh, il y avait un marché, il venait, il laissait, un il venait, il posait sa femme, il prenait une autre femme. Il posait, il rentrait une autre femme, il posait une autre femme. Alors avant qu'il se marie, il faisait rentrer tous les hommes dans la chambre, et il disait alors comment vous la trouvez? Ça c'est de l'humiliation pour l'épouse et pour la femme. Comme dans certaines traditions en Inde, où avant qu'il se marie, la femme doit se déshabiller entièrement, rentrer dans une eau sacrée et ressortir, et cela devant la famille. Allah al-Musta'an. Ça, c'est du rabaissement de la personne. Et ça, c'est interdit. Ala kulli hal, il a voulu éloigner l'ayn pour ses enfants. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pourraient être jaloux. Ah, j'aimerais bien avoir 11 fils comme lui. Hein? Un homme, il est toujours fier de ses enfants. Un homme, il est toujours fier de ses fils. Hein? Comme il doit être fier de ses filles aussi. Et là, il a voulu éloigner l'ayn d'eux. C'est pour ça qu'il leur a dit, chacun rentre par une porte. Comme ça, ils vous voient chacun tout seul. Ils ne voient pas 11 frères comme ça qui traversent et quelqu'un est dit, il va avoir de la jalousie, le hasad, de la jalousie, et il risque de leur porter l'aïn. Lakin qala Yusuf alayhi salatu wassalam wa alayhi falyatawakkal al-mutawakkilun. Mais c'est sur Allah que ceux qui placent leur confiance, placent leur confiance. Thumma qala alayhi tawakkaltu. Et Yaqub alayhi salam huwa yad'u ila at-tawhid wa ala at-tawakkul wa at-tawakkul ibadatun qalbiyya ibadatun qalbiyya. At-tawakkul, la confiance en Allah, c'est une adoration du cœur. C'est une adoration du cœur. Wa at-tawakkul min thamarati al-yaqin wa al-yaqin min thamarati al-ilm al-iman billahi jalla wa ala. La confiance, c'est le fruit de la certitude. Si tu as la certitude, alors tu auras confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette certitude elle-même, elle est le fruit de la science. Ibrahim alayhi salatu wa salam, lorsqu'il demande à Allah tabaraka wa ta'ala, montre-moi comment tu redonnes la vie après la mort. Montre-moi comment tu redonnes la vie après la mort. Pourquoi est-ce qu'il lui demande ça? Il lui demande ça. Est-ce que Ibrahim alayhi salatu wa salam, il n'est pas convaincu qu'Allah redonne la vie après la mort? Bien sûr qu'il est convaincu. Lakin wa yas'al ziyadat al-ilm. Il demande un rajout encore dans la science, plus de science. Lianna ziyadat al-ilm ziyadat al-yaqin. Wa lihadha naqul al-iman yazid wa yanqus. يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بالمعصية، لكن العقيدة هي تزيد وتنقص، تزيد بالعلم وتنقص بالنسيان أو بالمعاصي، نقص في العلم، النقص في العلم. Comme la foi elle monte et elle descend, elle monte par les bonnes actions, elle diminue par les péchés. La aqida, ta croyance, c'est pareil. Elle va augmenter avec la science, comme elle va diminuer avec quoi? Avec le fait que tu oublies la science. Et ce qui fait oublier la science, c'est les péchés. Hein? La croyance, elle n'est pas stable non plus. Quelquefois, tu as le yaqin, quelquefois, tu as moins le yaqin. Quelquefois, tu as une certitude à 100%, quelquefois, ta certitude, elle est moindre. Pourquoi? Parce que la science a été oubliée et la foi est descendue. Tu as commis des péchés qui ont fait que tu oublies la science. Et si tu oublies la science et la science, elle n'est plus dans ton cœur, et que tu n'appliques plus cette science, elle part. Jusqu'à ce que tu te retrouves à naqsul iman, une diminution de la foi. Donc Ibrahim, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a demandé à Allah, tabaraka wa ta'ala, كَيْفَ تُحْيِي وَتُمِيتُ. Comment tu donnes la vie, tu donnes la mort. Ben c'est par quoi? C'est pour avoir une augmentation dans la science. Pour avoir une augmentation dans la science, dans la certitude. Donc on voit aussi que Yaqub alayhi salatu wassalam aime ses fils, parce que c'est en premier pour eux. Lui, il tawakkal Allah. Lui, il passe sa confiance en Allah. Mais pour ses fils, il souhaite la protection pour ses fils, et que les gens ne soient pas jaloux de ses fils, et ne leur portent pas l'œil. Hein? Donc, il demande ça, bil-mahabba, par amour envers ses enfants, puisqu'il reste ses fils, et il les aime. Alayhi salatu wassalam. Tayyib. Continue avec le verset 69 jusqu'à 79. Et quand ils furent entrés auprès de Youssouf, alayhi salatu wassalam, celui-ci retint son frère auprès de lui en disant, « Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. » Là, il lui dit en cachette. Hein? Il le prend comme ça, en tête à tête, et il lui dit dans l'oreille, « Je suis ton frère. » Puis quand il leur eut fourni leur provision, il mit la coupe, hein, une coupe dans le sac de son frère Benyamin. Il a mis une coupe dans le sac de Benyamin. On va savoir pourquoi. Ensuite, un des crieurs annonça, « Caravaniers, vous êtes des voleurs. » Là, il s'adresse à tous les frères de Youssouf, alayhi salatu wassalam. Ils se retournèrent en disant, « Où l'avez-vous perdu ?» Et si tu remarques bien, ils ne disent pas, « Où est-ce qu'on vous l'a volé ?» On va savoir pourquoi, Inch'Allah. Ils répondirent, nous cherchons la grande coupe du roi, la charge d'un chameau à qui la portera, et j'en suis garant. Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire, et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs, dirent-ils. Ils dirent, la sanction infligée à celui dont les bagages de qui la coupe sera retrouvée, et qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Youssouf, alayhi salatu wassalam, commença par les sacs des autres, avant de celui de son frère. Puis il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Youssouf. Car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons. Et au-dessus de tout homme, détenant la science, il y a un savant, plus docte que lui, plus savant que lui, yani. Puis ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à lui, auparavant, a volé aussi. Mais Youssouf tint sa pensée secrète et ne leur dévoila pas. Et il dit en lui-même, votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. Puis ils dirent, ô l'Aziz, il a un père très vieux. Saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. Puis il dit, qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. Taïb. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس. Là, il part à son frère Yaqub alayhi salatu wa salam, il prend de côté son petit frère Benjamin et lui dit n'aie pas peur, yani bilma'na, n'aie pas peur, ne crains rien, je suis ton frère. Hein? Là, ça y est, il a retrouvé Benjamin, son petit frère, et il dévoile à Benjamin, son petit frère, qu'il est son grand frère, Youssouf. La tabta'is bima kanu ya'maloun. Yani la tahzan, c'est-à-dire ne crains rien, n'aie pas peur. فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ خَيْرٌ لَنَا. Et certes, le futur est meilleur pour nous. Hein, c'est ça, en vérité, c'est quand il lui a dit بِمَكَانُ يَعْمَلُونَ, hein, n'aie pas peur de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que le futur est bien meilleur pour nous, c'est-à-dire pour Youssouf et son petit frère qui est innocent de ce qu'ont fait les frères de Youssouf, alayhi salatu wassalam. Puis qu'est-ce qu'a fait Youssouf? Il a mis dans le sac de Benjamin une coupe, la coupe du roi. Une coupe, c'est-à-dire un récipient dans lequel on boit ou bien on peut manger. Il l'a mise dans celle de Benjamin. Ici, Youssouf alayhi salatu wassalam, il a trouvé un moyen de récupérer son frère. De récupérer son frère et que son frère reste auprès de lui. Un des stratagèmes que Youssouf alayhi salatu wassalam a trouvé, venant de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce qu'Allah azza wa jalla lui a décrété. Puis l'un des hommes de l'assemblée, qui n'est pas au courant de l'histoire, c'est bien pour ça qu'il a crié, vous êtes des voleurs parce qu'on a perdu, on nous a volé là, la coupe du roi. Hein? Puisqu'il leur dit bien à la fin, innakum lasariqun, vous êtes certes des voleurs. Ça veut dire qu'il n'est pas au courant du stratagème de qui? De Youssouf. Il ne sait pas que Youssouf lui-même a mis la coupe du roi dans le sac de son petit frère Benjamin. Hein? Et lorsque celui-ci qui a fait cet appel-là à l'assemblée, il a vu qu'elle a disparu, il a dit vous l'avez volée, vous êtes des voleurs. Puis eux se sont retournés et ont bien mentionné en disant nous, ce n'est pas nous qui l'avons volé. Et c'est pour ça qu'ils ont dit c'est pour ça qu'ils ont mentionné où est-ce que vous l'avez perdu? Où est-ce que vous l'avez perdu? Ils n'ont pas dit où est-ce qu'on vous l'a volé. Pourquoi? Parce qu'il n'appartient pas à un voleur de voler et de rester sur le lieu dans lequel il a volé. Un voleur, quand il vole, qu'est-ce qu'il fait? Il vole et après, il se sauve. On n'a jamais vu un voleur qui vole et qui s'assoit et qui attend. Non. Un voleur, il reste, il veut passer inaperçu. Le vol, min al-kaba'ir, c'est parmi les grands péchés. Yaqul in-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la'anallahu sariq. Allah a maudit le voleur. S'il est maudit, ça veut dire que yawm al-qiyamah, il est éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a maudit le voleur. Wa kadhalik ma qala Sheikh al-Fawzan hafidhahullah. Il en est de même sur la parole de Sheikh al-Fawzan lorsqu'il a mentionné un voleur dans sa croyance, c'est comme s'il disait bah, puisqu'Allah ne me donne pas mon risque, c'est moi qui vais aller chercher de moi-même. Alors il fait le haram. Il fait le haram pour obtenir sa subsistance. Hein? S'il vole, c'est comme s'il disait bah, puisqu'Allah ne me donne pas, hein, et bah, je vais prendre moi-même. Or Allah tabaraka ta'ala lui a interdit de prendre ce qui ne lui appartient pas. Le vol, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa forme, comme tu rentres chez quelqu'un, comme tu ne rentres pas chez quelqu'un, hein, que ce soit, quel que soit l'intermédiaire que tu prends pour voler, le vol, il est interdit. Il n'appartient pas à un musulman de prendre ce qui ne lui appartient pas. Ce qui ne lui appartient pas, il le rend. Hein. Il se doit de le rendre. Et ça fait partie des grands péchés. C'est pour ça que les frères de Youssouf ici, ils ont bien dit, dans ce qu'ils ont voulu dire en vérité, c'est on ne va pas voler cette coupe alors qu'on est encore là. Si encore on serait parti, on aurait pris, on serait parti. On sait très bien que si on la vole, il n'y a que nous. Donc c'est forcément l'un d'entre nous. Donc on est obligé de se faire attraper. Hein? C'est pour ça qu'il n'a pas dit où est-ce qu'on vous l'a volé, mais plutôt où est-ce que vous l'avez perdu. C'est pour ça qu'ils ont dit ça. Où est-ce que vous l'avez perdu? قالوا تالله تالله يعني لا يجور par Allah لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. Vous savez très bien que nous ne sommes pas venus بجميعنا على المعاصي بالمعنى. Vous savez très bien que nous ne sommes pas venus commettre la corruption sur terre, c'est-à-dire vous savez très bien que nous ne sommes pas venus commettre les mille et un péchés sur la terre. وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ Et nous ne sommes pas parmi les voleurs. Pourquoi est-ce que le vol مِنْ أَكْبَرِ أَنْوَعَ الْفَسَادِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ Parce que le vol, c'est l'un des plus grands mâles sur cette terre. وَلِعَذُ بِاللَّهِ Alors les frères de Youssouf, ils demandent, quelle est la sentence à celui qui se fait attraper pour vol chez vous? Puis on leur répond, celui qui se fait attraper pour vol chez nous, il devient l'esclave de qui il a volé. Yani, il travaille pour lui. Tayyib. ثم قال الله جل وعلا ما كان ليأخذ أخاه في دين المالك في دين المالك et يوسف عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى lui a décrété le fait qu'il ait cette idée de mettre la coupe dans le sac de Benjamin son petit frère et lorsqu'on lui a demandé alors qu'est-ce qu'il en est pour celui qui se fait attraper pour vol, eh bien il travaille, il devient l'esclave de celui à qui on a volé. Mais Youssouf alayhi salatu wassalam, c'est ce qu'il a mentionné, mais il ne pouvait pas ramener cela au roi, sinon il n'aurait pas pu garder Benjamin auprès de lui. Hein? Et on voit bien que à la suite du récit, lorsque c'est mentionné dans les versets juste après, c'est qu'en aucun cas et à aucun moment Youssouf alayhi salam il mentionne le terme volé pour ses frères. À chaque fois il dit nous l'avons trouvée, elle a été trouvée là, elle a disparu, elle n'y est plus. Mais en aucun cas il n'utilise le terme volé pour ses frères. Pourquoi? Étant donné qu'il est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dénué de quoi? Min al-kaba'ir. Les prophètes ne commettent pas les grands péchés. Al-ma'soum an'asam Allah n'est dépourvu que celui qu'Allah a dépourvu. Comme les prophètes ne commettent pas les grands péchés, hein, Youssouf alayhi salam ne ment pas. Et là, en aucun cas, il ne ment. Il n'a jamais dit comme quoi ils ont volé. Mais il a rusé avec eux. Il a rusé avec eux afin de pouvoir garder Benjamin. Mais les frères de Youssouf se souviennent de Youssouf, tout simplement, et de cette histoire. Et ils ont juré par Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'ils feraient tout pour garder Benjamin avec eux. Et ils ont juré par Allah, azza wa jalla. Alors, ils disent quoi? Son père, il tient trop à lui. Alors, prenez d'abord l'un d'entre nous à la place de lui. Hein? Mais on leur mentionne bien que ce serait de l'injustice que de prendre quelqu'un d'autre qui n'a pas été, yani chez qui on n'a pas trouvé la coupe du roi. Ce serait de l'injustice. On ne va pas punir l'un autre alors que c'est chez lui qu'elle a été trouvée. Et il dit bien, ce n'est pas, c'est Benjamin qui l'a volé, c'est celui-là qui l'a volé. Non, il dit, c'est chez lui qu'on l'a trouvé. C'est chez lui qu'on l'a trouvé. Mais en aucun cas, il dit, c'est lui qui l'a volé, alors c'est lui qu'on garde. Car comme on a dit, Youssouf alayhi salam ne ment pas. Taïb, on s'arrêtera là, inshallah, pour cette partie-là, bi'idhnillahi ta'ala. Et on continuera la semaine prochaine, inshallah, à la même heure, inshallah. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك